signifie que Dieu s'est repenti de certains, dans certains passages de la Bible. Dieu se repent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on dit que Dieu se repent? Vous savez que dans l'Ancien Testament, le mot repentance, presque exclusivement, est adressé à Dieu. Je ne sais pas si j'avais déjà remarqué ça. Si vous prenez une concordance, si vous cherchez le mot repentir, et tous les passages de l'Ancien Testament, il y a juste Dieu qui se repent quasiment. Une fois, je pense que c'est l'être humain. Et dans le Nouveau Testament, c'est le contraire. Quand on parle de repentance, ça s'adresse juste à l'être humain dans le Nouveau Testament. Quasiment à 100%. C'est intéressant de voir ça. Hein? Dans l'Ancien Testament, les êtres humains ne sont pas appelés à se repentir. Là, il n'y a pas plus ce langage-là. Ils sont appelés à se repentir, mais la Bible n'utilise pas le mot repentance dans l'Ancien Testament pour les êtres humains. C'est le mot, la plupart du temps, qui est appelé revenez à moi. Revenez à moi. C'est ça que Dieu dit aux êtres humains. Revenez à moi. Il ne dit pas repentez-vous. Je crois que ça veut dire la même chose, mais le terme n'est pas employé. Quand on l'emploie pour Dieu dans l'Ancien Testament, il ne faut pas penser que maintenant Dieu se repent comme nous autres, on doit se repentir. On sait ça. Parce que Dieu ne fait pas de mal. Nous, on t'appelle à se repentir. Face au péché, c'est moralement qu'on se repent. Mais si vous prenez tous les passages de l'Ancien Testament et vous regardez le mot repentance pour Dieu, il vient, je pense, une vingtaine de fois où est-ce que le mot repentance revient pour Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça veut dire que Dieu change sa façon d'agir envers l'être humain. Dieu est en train de bénir Israël, et Dieu se repentit et amène le châtiment à Israël. Dieu se repent du bien qu'il est en train de faire, à cause que l'être humain s'est rebellé de l'idolâtre, quelque chose. Dieu se repentit du bien qu'il leur faisait, et il, maintenant, fait amène le jugement ou la malédiction sur le peuple d'Israël. Donc le mot repentir pour Dieu veut juste dire Dieu change sa façon d'agir envers quelqu'un ou envers un peuple, ou envers une société complète, ou envers le monde entier même, dans ce sens-là. Quand Dieu, la Bible nous dit, quand Dieu s'est repenti d'avoir fait l'être humain, dans Genèse 6, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le jugement, il y a le déluge. Mais c'est remarqué que Dieu s'est repenti parce que l'être humain, tout ce qu'il faisait, tous les pensées, c'est intéressant de penser, toutes les pensées de l'être humain étaient que péché. C'est intéressant, mais comment est-ce que tu vois l'être humain, hein? Avant le déluge, je crois que c'est encore la même chose aujourd'hui. Hein? Tous les pensées de l'être humain ne sont que péchés. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'être humain. Ça veut pas dire que j'aurais pas dû commencer ça. J'aurais pas dû créer rien. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est que Dieu est en train de dire, Dieu va changer sa façon d'agir envers l'être humain. Et là, il amène le déluge et il détruit toute la race humaine. C'est pas qu'il est en train de regretter, parce que Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tu ne peux pas te repentir d'avoir fait quelque chose de parfait. Ça serait illogique. Mais on appelle ça en théologie un anthropoformisme. C'est de parler avec des mots qui s'adressent à l'être humain. Pour que l'être humain comprenne ce que Dieu est en train de faire, Dieu emploie des formes humaines. Comme il dit, Dieu descendit sur la terre. Est-ce que Dieu peut descendre? Il n'est pas déjà sur la terre. On parle à la façon des êtres humains pour qu'on comprenne. On va dire que l'œil de Dieu, la main de Dieu, est-ce que Dieu a une main? Mais non. Il n'y a pas un corps. Il ne peut pas avoir une main, il n'y a pas de corps. Mais là, il n'y a pas des termes humains pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de vouloir dire. Quand il dit que Dieu descendit sur la terre à Babel, là, c'est juste en train de dire que Dieu prend une action. Dieu va intervenir dans la race humaine. Il n'y a pas des marches là, qui descendent. Hein? Mais quand il dit que Dieu se repent, c'est que Dieu change son idée, change sa façon d'agir face à ce qu'il est en train de faire avec la race humaine. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire le texte, se repentir. Il n'y a pas de plus d'explication. Que cela va. Il ne faut pas mélanger que Dieu, tout d'un coup, il a fait quelque chose, il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal. Non, c'est certain. Je crois que la plupart des chrétiens savent que Dieu ne fait pas de mal, donc ils ne peuvent pas penser ça. Mais ils ne savent pas. Mais ce n'était pas parfait ce qu'il est en train de faire. Oui, c'était parfait, mais Ça veut dire qu'il va changer son approche. C'est comme vous aviez pensé faire quelque chose à vos enfants. Vos enfants ont fait quelque chose, ont fait une action, et vous changez votre idée face à ça. Et bien, des fois, nous, on pense que « Ah, ben Dieu ne savait pas qu'il ferait ça, pourquoi il change d'idée? » C'est juste une façon de parler que Dieu va changer son approche maintenant dans la situation. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Ben oui, il savait. Il y a même une fois de passage que Moïse négocie avec Dieu. Si Moïse voit, ouais. Tu sais, Seigneur, vas-tu permettre que tu le peuple nous dire que tu nous abandonnes, puis là, ben, Dieu prend plaisir à faire participer dans le sens, ouais, de son âme. Okay. Dans ce texte-là, ben, Dieu va détruire Israël, je vais partir une nouvelle nation avec toi. Puis Moïse va y rendre un argument avec Dieu, puis Dieu dit, Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire. Ouais. Il ne faut pas penser qu'il ne savait pas ce qu'il ferait. Il savait ce qu'il ferait. Fait que ce mot repentance-là, il faut le mettre dans l'instant du personnage de Dieu, qui lui, il ne change pas d'idée dans le sens que ses idées sont toujours parfaites, il ne peut pas changer d'idée. Mais il parle pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de faire. Okay? Puis il parle aussi de façon à ce que nous, on puisse réagir avec lui. Okay? Quand il dit à Moïse, je vais tout détruire le peuple, il savait bien que lui, dans sa tête, il ne détruira jamais. Mais il parle pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de faire dans sa relation. Parce que nous, des fois, on a de la misère à comprendre que ce qu'on appelle en théologie la condescendance de Dieu. Avez-vous déjà fait avec vos enfants, vous êtes à quatre pattes, vous faites boum, boum, boum, boum, boum. Hein, vous faites ça des fois avec vos enfants. Ça veut dire quoi? Vous êtes condescendant. Vous descendez au niveau de votre enfant et vous parlez avec son langage pour qu'il vous comprenne. Dieu fait la même chose avec nous. Hey, il est à 1 milliard d'années-lumière de nous, dans sa science, dans son intelligence, et dans sa façon. S'il nous parlait avec sa façon de faire, on dirait blablabla, on ne comprend rien. T'sais. Même là, des fois, il nous parle avec un langage, on dit, qu'est-ce que tu veux dire là? Mais Dieu fait ça avec nous autres. Il se met dans une position pour que nous, on comprenne ce qu'il est en train de faire. Et qu'on puisse réagir ou intervenir dans le plan que tu fais avec nous, les êtres humains. OK? Ça nous aide un peu à comprendre. Donc, vous pourriez traduire Dieu changeait son approche ou Dieu change son intervention qu'il est en train de faire avec les êtres humains, puis il va partir dans une autre direction. C'est pas parce qu'il ne savait pas, mais il est en train, quand il s'est écrit comme ça là, dans la Bible, il est en train de parler à nous pour qu'on comprenne. Je faisais ça, maintenant je change. À cause de ton action, je change. Pas parce qu'il se repose, pas parce que tout d'un coup il dit « Ah, ce que j'ai fait n'est pas correct. »